كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالإفطار، فما هي السنة في الإفطار؟ ذكرنا من السنن أولا، تفضل. فما هي السنة؟ تعجيل الفطر. ما معنى تعجيل الفطر؟ نعم. فما هو أول وقت عندك عيسى؟ ما هو أول وقت؟ On dit qu'il doit se précipiter. Enfin, c'est quand le premier moment qu'il doit rompre le jeûne? أحسنت. عند غروب الشمس. Quand il aperçoit le coucher du soleil. نعم. Le disque solaire, quand il descend et l'horizon et tu ne le vois plus, il s'est couché. في هذا الحال, tu peux rompre. C'est sunnah de rompre. On dit هذا لماذا؟ لأن بعض الناس أخروا. Ils ont compris. من غروب الشمس. بعضهم ils comprennent c'est la nuit. Là, c'est différent. Quand le soleil se couche, il fait encore jour. La nuit, elle vient petit à petit. فبعضهم ils ont أخر كما فعل اليهود والنصارى حتى عند اشتباك النجوم. أي ظهور النجوم. Il fait nuit et les étoiles apparaissent. ثم ils mangent كما يفعل الروافض الضلال. فنحن السنة تعجيل الفطر. من السنن كذلك ماذا أخذنا؟ parmi les sunan عند من؟ نعم. إن صح الحديث، et on a vu que كثير من العلماء يحسنون الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطباء، فإن لم يجد فعلى تميرات كما في الحديث، أي تمر، فإن لم يجد بالماء. أما الماء on a vu c'est ثابت في حديث آخر ما يتعلق بالتمر والرطب. الشيخ مقبل والإمام الألباني يحسنون الحديث. Et voilà aussi, on dit que le hadith n'est pas thabit, comme a dit بعض أهل العلم. On a lu la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est même au niveau santé, c'est tayyib. Fala mani. Lakin, la question c'est, est-ce que c'est une sunna amla? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait? Fahada, par rapport au hadith, fal amr il est wasi'. Wallahu a'lam. Ad-du'a, c'est quoi as-sunna fi ad-du'a? مطلقا ما يوجد دعاء في ماذا؟ بتخصيص الفطر. هذا لا دعاء دو كي للصائم بالعربيه زي سيمو ديتلي بالعربيه. اما الدعاء الصائم فهذا on a vu que c'est مستجاب. ثلاثه لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. دونك الصائم يفعل الدعاء tout au long de il peut faire tout au long de la journée حتى يفطر. أما دعاء خاص هذا فيه نظر. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى هذا il est ضعيف. كذلك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. Tout ça c'est ma thabat. Et on avait cité un peu en détail la cause du ضعف dans le sunnat. هذا ما يتعلق بالإفطار. Et aujourd'hui on va voir une mas'ala qui est plus ou moins liée, c'est الوصال. فنقرأ الأحاديث. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس ابن مالك. الحديث إلى في الصحيحين. قال الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه ولمسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل، أي الحديث المرفوع قول النبي عليه الصلاة والسلام، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الحديث كذلك في قال ولمسلم في الحقيقة إلى في البخاري. المسلم لا بارابورتي هذا الحديث، فهذا وهم من الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. فقوله ولمسلم في الحقيقة سوى للبخاري. فهذا الحديث أو سيدو حديث، حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمر، حديث أبي سعيد، سبال أو سو سجد الوصال. قال الإمام ابن المنقل رحمه الله في الإعلام: حقيقة الوصال. ça veut dire quoi الآن الوصال pour comprendre ces أحاديث. أن يتصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما. c'est ça الوصال. ça vient de وصل أي lié enchaîné. فالوصال واحد مثلا نحن اليوم الثلاثاء مardi واحد إجن في الصيام من الصباح أي من الفجر الصادق arrive au maghrib il mange pas il continue la nuit il continue la nuit ثم toute la journée et il mange مثلا demain الأربعاء mercredi au maghrib. ça c'est le wissal. il a enchaîné deux jours sans interrompre. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا فئ كما في حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم leur disait de ne pas faire الوصال أي enchaîner الصيام deux jours trois jours normalement c'est un jour الصيام du fajr jusqu'au maghrib. النبي صلى الله عليه وسلم نهى. on va voir est-ce que c'est interdit أم لا، لأن النهي في الشريعة ça peut être pour l'interdiction c'est haram et ça peut être النهي أي c'est makruh أي vaut mieux de laisser. on va voir cette مسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل. الصحابة ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم لكن يا رسول الله أنت tu le fais. فالنبي صلى الله عليه وسلم il le faisait لكن النبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré أن قال إني لست مثلكم أي je ne suis pas comme vous. إني أطعم وأسقى أي أن الله سبحانه وتعالى il lui facilite. on va voir أن c'est pas un طعام حقيقي أي حسي c'est pas un طعام qui mange là c'est الله سبحانه وتعالى il lui donne de la force pour enchaîner الصيام contrairement aux autres. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك. قال ابن المنقن رحمة الله عليه قوله إني أطعم وأسقى فيه أقوال. donc vous avez compris c'est quoi le wissal. wissal enchaîner الصيام sans interrompre sans manger sans boire. أما قوله إني أطعم وأسقى كما في حديث عبد الله بن عمر فيه أقوال. beaucoup d'interprétations sur ce hadith. les savants ils ont beaucoup d'aqwal. لكن قال الصحها le plus juste إني المعنى إني أعطى قوة أو قوة الطاعم والشارب لأنه لو كان حقيقة لم يكن مواصلا. وبعضهم ils ont dit que الله سبحانه وتعالى il le nourrit et كذلك avec de la nourriture et boisson أي حقيقة. et هذا في نظر لأن si النبي صلى الله عليه وسلم il mangerait ça serait pas un wissal. c'est pour ça que ابن الملقين قال رحمة الله عليه لأنه لو كان حقيقة لم يكن مواصلا. si ça serait de la nourriture et de la boisson que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à son messager Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne serait pas considéré sa'im. Lakin, en sahih, c'est al-quwa. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne al-quwa pour pouvoir tenir plusieurs jours. Amma ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cette fadila que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à son prophète et il lui donnait la force pour pouvoir supporter. Ben, on va voir, est-ce qu'il doit délaisser ses harams ou s'il peut le faire, fa'la bas. ستأتي معنا هذه المسألة. La parole qu'on a citée, at-tarjih, c'est la force, inni ut'am wa usqa, et la force pour pouvoir supporter, c'est le kalam de l'imam al-Nawawi avant Ibn al-Mulaqqim, rahmatullah alayhi. Kama fi sharh sahih muslim. Donc, al-hikmah est wadiha. Hikmatu al-nahi. Pourquoi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam نهى عن الوصال قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع قال أصحابنا الحكمة في النهي عن الوصال لألا يضعف عن الصيام والصلاة et ça c'est important أن المسلم il y a des عبادات s'il les fait peut-être que ça va l'affaiblir et il délaissera des autres عبادات ou des حقوق لأن t'es un être humain tu peux pas tout faire donc المسلم الموفق il doit mettre chaque chose à sa place. فمثلا si tes parents ils ont besoin de toi la nuit ou ils te demandent de faire quelque chose d'aller leur chercher quelque chose un médicament ou autre et انت tu veux faire قيام الليل الان انت deux عبادات ta قيام الليل c'est une عبادة عظيمة et ta طاعة الوالدين ففي هذا الحال tu fais passer l'obligation tu es obligé d'obéir à tes parents avant de faire quelque chose de مستحب. Tout ça, on vous cite pour vous montrer que l'ibadat, rubbama tatazaham. Tatazaham en arabe, c'est que tu peux avoir plusieurs ibadat dans un même temps. Tu fais passer le plus important. Ou, dans notre cas, al-wisal, c'est pas obligatoire. Si on dit que c'est permis. Personne dit que c'est obligatoire. Le siyam obligatoire, c'est ramadan. Ou nadr, ou kafara. Fal'an, si wahed il veut faire al-wisal, et il faiblit, il n'arrive plus à aller au masjid. Est-ce que le salat fil masjid est obligatoire? Non, ala sahih pour les hommes. Donc s'il fait le wissal, et à cause de ce somme, il ne peut plus faire des choses obligatoires, là. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalik. Qala al-Nawawi, li alla yad'uf an salati wa siyam wa sa'ir at-ta'at, ou yamallaha wa yas'am minha, أو يتضرر بدنه أو بدنه أو بعض حواسه وغير ذلك من أنواع الضرر. كذلك ça peut lui faire du mal à sa santé, surtout s'il fait plus de 2 jours, 3 jours et continue, ça peut lui faire du mal. ففي هذا الحال يقد حاجة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم il le faisait, لكن تعلمون أن certaines choses que le Nabi صلى الله عليه وسلم il faisait c'était خاص pour lui. Surtout dans ce hadith il montre clairement que moi je suis pas comme vous في هذا. Donc, on va voir que al-rajih, c'est de ne pas faire al-wissal. Al-Nabi sallallahu alayhi dans le deuxième hadith, où les muslims an Abi Sa'id, on a vu un nafs sahih, c'est l'il-Bukhari, an Abi Sa'id, fa'ayyukum arada an yuwasil, fal-yuwasil ila sahr. Al-Nabi sallallahu alayhi dans ce deuxième hadith, il donne la permission. Celui qui veut continuer à ne pas rompre au maghrib, il peut continuer jusqu'au sahur. C'est-à-dire que, fait le haqiqa, l'iftar, il le retarde. Il ne prend pas l'iftar comme nous au Maghrib, dès que le soleil se couche, il peut retarder jusqu'au sahur. Et quand il prend son sahur, fait le haqiqa, c'est l'iftar. Aïe, il retarde. Fahada, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'autorisation. Amma plus que hada, on verra que ce n'est pas permis. On cite à quoi l'ahl al-ilm fi hada, ou al-khilaf, hukm. الوصال في الصيام في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. Donc faut bien différencier. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce point il a un حكم خاص. Lui-même il l'a démontré عليه الصلاة والسلام. إني لست مثلكم. Donc on peut pas comparer النبي صلى الله عليه وسلم avec un autre ou plutôt dire que je vais suivre النبي صلى الله عليه وسلم dans cette chose c'est une sunna. Là, النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré que c'est pas comme nous. Il est pas comme nous dans cette mas'ala. Donc, il y a plusieurs aqwal. Est-ce que c'est permis al-wissal? Am la? Al-qawl al-awwal, et on va On va résumer nahnu. Yahrum ala man yashuq alayh wa yubah ala man lam yashuq alayh. Si c'est difficile, c'est haram. Si ce musulman il a la capacité, c'est autorisé. Ça c'est un qawl. Al qawl athani al wisal c'est makruh. Et s'il le fait, il n'a pas fait de péché, il n'est pas athim, lakin vaut mieux ne pas le faire. Ça c'est madhhab al-hanabila. Et leur hujja, leur dalil, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha anil wisal. Comme dans le hadith Abdullah ibn Amr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et al-usuliyoun, ils ont une règle. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il interdit une chose ou yanha an shay, et il le fait, c'est pour montrer que c'est autorisé. Donc le faire, c'est makruh. Al-hanabila, ils ont pris cette règle et l'ont appliqué sur les ahadith. Donc pour eux, c'est makruh. Vaut mieux délaisser. Lakin celui qui le fait, il n'est pas athim. Al-qawl al-thalith, troisième qawl, annahu c'est haram. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha. Et pour eux, al-aslu fi nahi, c'est at-tahrim. Et pour eux, on ne peut pas dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc ça devient makruh. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et il a montré que c'était que pour lui. Donc, ça n'englobe pas les autres. Donc, pour eux, c'est haram. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهو قول أكثر أهل العلم. C'est l'avis de la plupart des savants et c'est le قول الصحيح. لكن il reste un quatrième قول, c'est jusqu'au sahur. Est-ce que c'est permis? قال أو القول الرابع يجوز أن يواصل من سحر إلى سحر. C'est-à-dire que ce matin, nous, on a pris sahur avant le fajr. On fait siyam toute la journée, c'est obligatoire. Au maghrib, on continue. On ne mange pas, on continue. Amma qad yaqul qa'il, est-ce qu'on peut faire ça fi Ramadan? Ramadan, on donne un mithal autre que Ramadan pour sortir du ishka. Fa matalan wahid, il commence au sahur, au maghrib, il continue. Il ne mange pas. Il continue jusqu'à l'heure du sahur. Il a jeûné 24 heures là. A fait Adal Hal, Ba'd al-Ulama, yaqulun que c'est permis. Al-Imam Ahmed, Kadalik ibn al-Mundir, ibn Khuzaymah, et d'autres, ils ont dit que c'était permis et ils se sont appuyés sur Hadith Abi Sa'id, radiyallahu anhu. Celui que Al-Hafid Abdul Ghani l'a cité, fi Umdat al-Ahkam. Et c'est ça le qawl al-Sahih. Donc, pour résumer, al-wisal, c'est permis du sahur jusqu'au sahur, à 24 heures. Fait le haqiqa, al-iftar du maghrib, il le retarde. Et plus que cela, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est réservé pour un nabi, alayhi salatu wassalam. C'est ça, al-khulasa. Jam'an bayna al-adilla. Fait le dali, les adilla où le nabi, sallallahu alayhi wa sallam, naha anil wisal, là-bas, c'est que c'est interdit. On a un deuxième hadith qui nous montre jusqu'au sahur, on dit jusqu'au sahur, c'est permis. C'est ça le qawl al-rajih. Qala Shaykh al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi sharh Riyad al-Salihi, as-siyamu aw lis-sa'im thalathu halat. Lis-sa'im thalathu halat. As-sa'im, il va avoir trois situations par rapport à au fait de rompre le jeûne. Trois cas. Al-oula, an yubadir bil-iftar ba'd ghuroub al-shams. Wa hadhihi as-sunnah wal-afdal wal-akmal. Le premier cas, c'est que celui qui fait as-siyam, il coupe son siyam inda ghuroub al-shams. Kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a vu précédemment. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc ça c'est le premier cas et c'est l'afdal, couper son jeûne عند الغروب. Deuxième cas, ان يتأخر إلى السحر, il rompt pas son jeûne عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, il continue jusqu'au sahur, jusqu'à la dernière partie de la nuit, avant le fajr. ثم il mange. قَالَ شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ هَذَا جَائِزٌ لَكِنْ خِلَافُ الْأَوْلَى, et c'est le qawl qu'on a cité que c'est permis. نعم, c'est permis, لكن الأفضل, c'est de ne pas le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas dit c'est une sunna, c'est mustahab. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que c'était permis. فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلْ فَلِيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ, c'est une permission, فقط. Donc celui qui le fait, là, il munkar ali. Troisième cas, أَلَّا يُفْطِرْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ, c'est-à-dire au Maghrib, il ne mange pas. Il continue au Sahur, il ne mange pas. Il continue toute la journée jusqu'au Maghrib. هذا, enchaîner deux jours, ce n'est pas permis. قَالَ شَيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ألا يفطر بين يومين بل يواصل وهذا حرام. Donc c'est ça le قول الصحيح. Qui c'est qui résume هذا الباب? Qui c'est qui résume? Il nous cite c'est quoi الوصال ثم il nous cite الحكم عند من تفضل. الوصال c'est dès que vous pouvez, dès qu'on vous fait résumer, si vous pouvez des mots arabes, dites-les. Hatta vous progressez dans la langue arabe. Les mots que vous pouvez dire en arabe, dites-les en arabe. Wa illa fa kama tastati'un. Tfaddal. Al-wisar c'est enchaîner yawmain. Ou afdal. Le premier cas, c'est que c'est permis. Non, c'est que c'est pas permis. Parce que. C'est quoi le premier cas? Le premier cas, c'est est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Pour le sahih. Il l'a fait, mais il n'est pas comme nous. Donc la base, c'est que nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Les mada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wasal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha, donc on ne le fait pas. Tfaddal. C'est possible. C'est permis dans un cas. C'est permis dans le cas où on repousse jusqu'au. Jusqu'au sahur. C'est ma dalil. Naam, hadith, le deuxième, Abu Sa'id. Ayyukum arada an yuwasil fal yuwasil ila sahar. Celui qui veut vraiment continuer, ne pas rompre au Maghrib, il continue jusqu'au sahur. Le Nabi sallam, il a donné cette limite jusqu'au sahur. Au-delà de cette limite, tu reviens à la base, un nahi. Et la base dans le nahi, c'est at-tahrim. Donc, القول الصحيح قول شيخ العثيمين رحمة الله عليه. Donc c'est ça ما يتعلق بالوصال. ثم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه il a cité un autre باب. قال باب أفضل الصيام وغيره. Ce باب il est مختصر. Il a cité رحمة الله عليه أحاديث في فضل الصيام أي فضل بعض الأيام تخصيص بعض الأيام بالصيام des jours spécifiques où ou dans lesquels Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré il y a un bien de jeûner et كذلك des jours où il ne faut pas jeûner. Il va citer مثلاً صيام داود, il va citer jeûner trois jours par mois, il va citer est-ce que tu peux faire jeûner le vendredi. Est-ce que tu peux siyam yawm al-eid? C'est un bab, il est important et on parlera plus de siyam ramadan fi hada al-bab. Et même bab al-wisal. Bab al-wisal yundar est-ce que ça englobe ramadan am la? Lakin à partir de ici c'est plus par rapport à siyam ramadan al-wajib. L'an on est fait siyam al-mustahab. Naqra al-hadith qala رحمة الله عليه عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. النبي صلى الله عليه وسلم ils l'ont informé أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي رضي الله عنه fils de sahabi, son père c'est Amr ibn al-As radiyallahu anhum, il a été informé Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Abdullah, et Abdullah ce sahabi il était mujtahid fil ibada jiddan, et il était connu annahu il faisait beaucoup d'efforts fil ibada hatta il a atteint ce niveau annahu il a juré wallahi la asuman an nahar wa la aquman al layl ma ishtu, tant que je serai en vie je ferai siyam la journée et je ferai salat la nuit. Ay tafarrugh lil ibada, ay s'est consacré à l'ibada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول ذلك, est-ce que c'est toi qui as dit cela? قال فقلت له قد قلته بأبي انت وامي, عبد الله الذي نعم سموك الذي قال صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع ذلك, اي t'arrivera pas. Et ça ça montre, ou c'est parmi les adillah que l'insan il doit voir très loin. لأن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر il pourra au début, لكن plus tard ça sera beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que dans une autre رواية عبد الله بن عمر قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم, si seulement j'aurais pris la rukhsa que le prophète صلى الله عليه وسلم il m'a donné, أي de faire que 3 jours par mois. لأن سيأتي معنا أنه il a fait صيام داود, un jour il jeûne, un jour il jeûne pas, jusqu'à qu'il est mort. Là, qu'il arrive à un certain âge, c'est très difficile. Donc, ça, ça te montre, Akhil Karim, regarde toujours loin. Pourquoi? Mais c'est mustahab. S'il veut, il le fait. S'il veut, il le fait pas. Là, lakin as-sunnah, c'est quand tu fais un amal, t'es régulier. Hakada, il faisait sahaba. S'il commence une sunnah, il est régulier. Il fait lundi et jeudi, il est régulier. Donc, le mieux, c'est choisir des ibadats que tu as la capacité et sois régulier. Vaut mieux être régulier lundi et jeudi, si tu peux pas lundi et jeudi, 3 jours par mois jusqu'à que tu meurs, que une semaine tu fais Siyam Daoud, après tu as une coupure de 2 mois, après tu fais lundi et jeudi, tu as une coupure, après tu fais 3 jours par mois, et après peut-être tu as une coupure, tu fais plus. Tout ça c'est du ajr, c'est pas obligatoire. Lakin afdal min dhalik, c'est que tu sois régulier. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait un amal, il aimait que ça soit régulier. Donc ça c'est une précision pour que tu comprennes le hadith. قال لا فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يدمونت عبد الله بن عمر دور في الصلاة دور مانجي في الصيام وفي 3 jours par mois. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم يدمونت أن في 3 jours c'est comme si tu jeûnais toujours. Pourquoi? Parce que chaque hasana est multiplié par 10. Donc 3 jours multipliés par 10, ça fait 30 jours. Et le mois, c'est 30 jours en général. Donc celui qui fait 3 jours par mois, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la solution. Lakin Abdullah ibn Omar, il est motivé, il peut faire plus. Faqala faqultu fa inni utiqu afdal min dhalik. Ça montre que les personnes, elles sont pas pareilles fil ibad. Tu peux trouver un musulman 3 jours par mois, pour lui, c'est faire plus, c'est difficile. Alhamdoulilah, il fait 3 jours par mois. Tu peux trouver un autre 3 jours par mois, c'est très simple pour lui. Il peut faire plus. Fafi Adelhad, s'il a la force, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lui démontrer qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Ça te montre, un akhi, ne t'impose pas au-dessus de tes capacités, ne suis pas les autres. Wahad, il arrive à faire telle chose. Chacun, il est comme il est. Rubama, tu as des responsabilités que lui, il n'a pas. Rubama, tu fais des autres choses que lui, il ne fait pas. C'est pour ça que l'ulama, il conseille que celui qui tlob l'ilm, et s'il fait beaucoup de siyam, ça l'affaiblit sur l'ilm, il ne fait pas de siyam. Pourquoi? C'est quoi le plus avantageux, le plus profitable? C'est l'ilm, ou c'est qu'il fasse le siyam? Nafila. Indaban. L'ilm, pourquoi? Ah, la base, pourquoi? L'ilm peut profiter à la umma. Ahsant, li anna l'ilm, il va profiter lui, il va faire profiter la umma. Amma siyam, c'est que pour lui. Donc, fi hada al-hal, si un siyam, ça te, surtout en été, surtout faire beaucoup, ça te rend faible, t'arrives plus à ouvrir les livres, t'arrives plus à te concentrer, t'arrives plus à faire des efforts, c'est normal. Il y a un siyam, surtout après le dhuhr, après l'asr, tu commences à faiblir, fi hada al-hal, il fait 3 jours par mois, il y en a 3 jours, ça fait aucun mal. Et le reste, il se consacre à l'ilm. Et c'est afdal fi hada al-hal. Donc vous avez compris que il faut pas qu'on se précipite. Tu lis un hadith sur un fard dans une ibada et tu te précipites. Et Rabbama, tu délaisses des choses qui sont obligatoires ou des huquq ou des choses qui sont afdal. Tu pourras pas tout faire. Il y en a, si tu prends que bab al-siyam, tu pourras pas tout faire. Tu pourras pas tout faire. Rabbama, tu pourras pas faire siyam Daoud ou tous les lundis et les jeudis, tous les trois jours par mois, etc. Choisis ce que tu peux et sois régulier. C'est pour ça que celui qui fait les trois jours par mois, comme il a conseillé Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et se consacre au ilm et toutes les autres ibadat, fait inshallah il est à la khay. Et il est considéré, bi'idnillah azza wa jal, ceux qui font as-siyam régulièrement. Et dans ce cas, il espérera, ce musulman, rentrer par la porte qui est réservée à ceux qui ont fait beaucoup as-siyam yawm al-qiyam. Comme on l'a vu dans les fada'il du siyam. Lakin celui qui peut, قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت أو قال عبد الله قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين jeûne, fais siyam un jour, mange deux jours. Ça veut dire tous les trois jours il y a son, un jour il y a son, ثم le prochain il mange, le jour d'après il mange as-siyam. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. عبد الله بن عمر il avait de la قوة, donc il a dit je peux plus. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوم يوما وافطر يوما. Tu jeûnes un jour, tu manges un jour. قال عليه الصلاة والسلام فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم lui a démontré que c'est صيام داود et c'est أفضل الصيام. Tu manges un jour, tu jeûnes un jour. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. عبد الله ابن عمرو lui a dit je peux plus يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Tu peux pas trouver mieux que ça. Donc, l'afdal, c'est jeûner un jour, manger un jour. Pour celui qui a la capacité. Pour celui qui est régulier. Et là, si tu manques de régularité, l'afdal, c'est que tu choisis un siyam nafila que tu pourras être régulier. Lundi et jeudi, ou trois jours par mois, et inshallah, t'es à la khayr. Wa fi riwaya, la sawma fawqa sawmi daoud, shatr al-dahr, sum yawman, وأفطر يوما. إلى سيت كذلك حديث أنوت حديث عن عبد الله بن عمرو اللي لأن سي لا ميم مسألة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. Donc le meilleur صيام, le صيام que Allah aime le plus, c'est صيام داود. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. On fait précision, en les hadiths qu'on va lire, s'il y a une masala autre que le siyam, on détaillera pas. لأننا نحن في كتاب الصيام فان se concentre فيما يتعلق بالصوم وإلا ما يتعلق بالصلاة c'est cité en détail في كتاب الصلاة. Que ce soit dans Undat al-Ahkam ou dans Bulugh al-Maram ou dans des autres livres de fiqh. Amma nahnu, on se concentrera sur ma yata'allaq bis-sawm faqat. Qala al-'Allama Abd al-Rahman as-Sa'di rahimahullah fi sharhih 'ala 'Undat al-Ahkam. Fa hadha nassun sarih fi anna sawm Daoud afdal as-siyam 'ala al-itlaq. Donc le meilleur siyam 'ala al-itlaq c'est siyam Daoud. Liman qadir 'alayh. Donc bien sûr, celui qui a la capacité. Il y en a, on ne doit pas mettre un siyam qui est recommandé au niveau d'un siyam obligatoire. Là, ne t'impose pas au-dessus de ta capacité, ya akhi. Donc, si tu as des devoirs, tu travailles, ta famille elle a des besoins, tu t'occupes de tes parents, si tu rajoutes tatlub l'ilm, et ce siyam il t'affaiblit, la tukallif nafsak. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré qu'il y a des autres siyam. Lakin celui qui peut, alhamdulillah, c'est afdal as-siyam. Qala rahimahullah fa huwa afdal hatta min siyam ad-dahr kulli. Donc c'est mieux que jeûner tout le temps. Il y en a jeûné tout le temps. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à Abdullah ibn Amr, il n'y a pas mieux que siyam Daoud. Si wahid il se dit jeûner un jour, manger un jour, c'est très bien. Donc si je jeûne tous les jours, c'est encore mieux. Là, et ça, ça nous montre que notre dîn, il est fondé sur les preuves. Il n'est pas fondé sur la raison. La raison, tu peux comprendre que plus tu fais, mieux c'est. Donc celui qui fait un jour et il mange un jour, il jeûne un jour sur deux, c'est très bien. Celui qui jeûne tous les jours, c'est mieux, vu qu'il a fait plus. Là, notre dîn, ça ne fonctionne pas comme ça. Notre dîn, c'est les preuves. C'est pour ça que celui qui fait dhuhr 4 raka'a, c'est sunnah, c'est obligatoire. Celui qui fait 5, c'est pas mieux. Bel c'est une bid'a, il a ouvert un bab shar. Donc notre dîn, c'est pas faire plus. Notre dîn, c'est faire par rapport à sunnah. Qala, wa huwa awwalan amarahu bima yaqdiru alayhi akthar an-nas fihi fadlun azim. Na'am. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé à Abdullah ibn Amr de faire 3 jours par mois. Pourquoi? Il y en a la majorité des personnes, elles peuvent faire 3 jours par mois. Ça te montre l'importance de quand tu conseilles. Quand tu conseilles avec des choses au départ que tu sais que la plupart des gens, ils peuvent faire. Maintenant, si Wahid te demande un conseil pour Osiyan, tu lui démontres que s'il fait 3 jours par mois, taïb. Si tu vois qu'il est motivé, tu lui cites les choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a citées, طيب. قال لأن الحسن بعشر يمثالها فيعدل ذلك صيام الدهر كما قال أي صلى الله عليه وسلم. هذا تقدم. فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل فالأفضل. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il était mujtahid, il pouvait faire plus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré étape par étape c'est quoi le meilleur. Et ça c'est un exemple طيب. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن الدعوة c'est par rapport à la personne que tu as en face. S'il est mujtahid, il a des capacités dans certaines choses, tu vas lui montrer certaines choses qu'il peut faire. فمثلا c'est pas min al-hikma, tu conseilles à une vieille personne qui a du mal à faire Ramadan, l'obligation, et anta tu lui conseilles et tu lui montres le fadail de siyam daoud. Il peut, Rubama, il n'arrive pas à faire Ramadan entier. Comment il va faire un jour sur deux hors Ramadan, tout le temps? قال الشيخ سعدي فكل يؤمر بما يناسب حاله. L'importance de connaître la personne qui est en face de toi quand tu fais da'wah. قال ولكنه أو قبل ذلك ومع ذلك فإنه ندم في آخر عمره وقال رضي الله عنه ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. À la fin de sa vie, il a regretté, il a commencé ce amal et il voulait être régulier, mais c'était difficile à la fin, et il a dit leitani, si seulement j'avais pris la facilité que Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a donnée, 3 jours par mois. مع ذلك رضي الله عنه, il a continué jusqu'à sa mort. ولكنه مع ذلك قام بما التزم به صوم يوم وفطر يوم. Radiyallahu anhu. Ça montre fadl ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, siyam Dawood c'est une sunnah, c'est afdal al-siyam. Lakin vu que c'est pas facile sauf à celui que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, al-insan, comme il nous a démontré Cheikh Saadi et Ahlul Ilm dans le sharh de ce hadith, il démontre an al-insan, il ne s'impose pas au-dessus de sa capacité. C'est une sunnah, c'est pas obligatoire. Et il y a des autres sunnahs. Et surtout, fais attention de ne pas faire des sunan qui te privent de wajibat ou des devoirs que tu as. Tu fais siyam daoud et tu n'arrives plus à faire certaines choses qui sont obligatoires ou tu as un manque dans tes responsabilités. Tu peux pas siyam daoud, fais 3 jours par mois. Si tu fais 3 jours par mois, chaque jour, ça équivaut à 10 jours, Inch'Allah, tu es considéré avoir fait siyam al-dahr. Et c'est une ni'ma. C'est ça, al-khulasa. Amma, est-ce que c'est permis de jeûner tout le temps? Siyam al-dahr. Le Nabi sallam, il a dit à Abdullah ibn Amr, un jour tu jeûnes, un jour tu ne jeûnes pas. Quand Abdullah ibn Amr il lui a demandé est-ce que je peux jeûner tout le temps, et je peux plus, c'est-à-dire toujours, le Nabi sallam, il lui a dit la afdal min dhalik. Lakin, est-ce que c'est permis? On a un autre hadith, toujours en Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah sallam qala la sama man sama al-abad. Al-abad, c'est toujours. Tu dis Khalidi, ou tu lis le Coran Khalidi na fiha abada. Et toujours. Al-abad, c'est sans interruption. Fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la sama man sama al-abad. Al-hadith, il est dans le Sahihain. Celui qui jeûne toujours, il n'a pas de siyam. Fait, le Sahih, min aqwal ahl al-ilm, annahu il est makruh. Lian an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la sama man sama al-abad. Et il a pas d'ajr. Lakin est-ce que c'est haram? Ba'd ulama ils ont dit que c'était haram et ba'd al-ulama ils ont dit que c'était makruh. Et alladhi yadhhar كما قال شيخ الإسلام كذلك ابن القيم كذلك الإمام الشوكاني الإمام الألباني ils ont démontré que c'était makruh والله أعلم على كل حال المسلم il est vital si celui qui a de la force il arrive à faire صيام داود نعمة أما dépassé فلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك et نحن في الحقيقة on vit à une époque أن الضعف et le manque de motivation c'est beaucoup plus répandu que la motivation. L'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils étaient très très motivés. Et dans l'autre hadith, trois personnes ils sont venues, عند Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit, Wahad il a dit je veux plus marier, Wahad il a dit je veux plus manger de viande, Wahad il a dit je dors plus. Et c'est la motivation, ils voulaient le khayr. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré. Il leur a démontré annahu il mange, il dort, annahu il mange de la viande, annahu il fait salat et il dort plutôt, et annahu il se marie avec les femmes. Thumma qala faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ça c'était l'époque sahaba, tous ces hadiths ils te montrent qu'ils étaient très motivés. Amma nous, cette époque qu'on vit, fait l'haqiqa, c'est un manque de motivation. Un manque de motivation, enfin, même les trois jours, Obama, on a des faiblesses, on doit se motiver. Pas exagéré, au-dessus de nos capacités, et pas kadhalik faire aucun jour. C'est pas obligatoire. Lakin, surtout en hiver, c'est des hasanat qui sont faciles pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite. On se motive. Celui qui peut trois jours par mois, on va voir hadith Abi Huraira. Celui qui peut trois jours par mois, al-haqiqa c'est très simple et il y a ajr azim. Tout mal le reste, il se consacre à d'autres choses. هذا والله أعلم ثم إلى سيتي حديث أبي هريرة نقرأه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامي ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام أبو هريرة يغطى رضي الله عنه que النبي صلى الله عليه وسلم lui a conseillé trois choses. Hey, accroche-toi à trois choses, sois régulier dans trois choses. Siyam, thalathati ayyam min kulli shahr, jeûner trois jours par mois. Hey, siyam, qui n'est pas obligatoire. Rak'ati al-duha, deux rak'at fi al-duha, et faire le witr avant de dormir. Al-witr wa al-duha, on ne détaillera pas, inshallah, dans d'autres durus. Amma, les trois jours, chaque mois, فهذا مستحب قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافا نعم الحديث الإكلاف le خلاف comme on va citer c'est quand est-ce que tu fais ces trois jours أما jeûner trois jours par mois tous les savants ils sont unanimes que c'est recommandé فالعلماء اختلفوا في تعيين الثلاث. Et il y a beaucoup d'aqwal. Al-Hafid ibn Hajar, fil fath, il a cité 10 avis. Et l'afdal, le mieux, c'est de jeûner Ayyam al-Bayd. Ayyam al-Bayd. Il les appelle Ayyam al-Bayd, li-idha'at al-qamar, kull al-layl. Pourquoi? Parce que al-Bayd, c'est la blancheur. Et c'est 3 jours, 13, 14, 15, c'est quand il y a la pleine lune. Quand il n'y a pas de nuages, c'est très éclairé. Surtout dans les endroits. Dans les déserts, dans les montagnes où il n'y a pas les lumières de la ville, tu vois beaucoup. Tu vois beaucoup. Ka'annahu, des fois, c'est éclairé. C'est pour ça qu'ils ont appelé Ayyam al-Bayd. Fas sunnah, al-afdal, c'est de jeûner Ayyam al-Bayd. Et Ayyam al-Bayd, ala sahih, c'est le 13e, 14e et 15e jour. Et il y a un hadith, fi hada hadith Abi Dharr, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala ya Aba Dharr, idha sumta min al-shahr, thalathata ayyam, fasum. 13 أو 13 و 14 و 15 الحديث رواه الترمذي إسان حديث ثابت إلى صحيح أو حسن الشيخ الألباني لا صحح avec d'autres il y a d'autres hadith et toutes ces chaînes de transmission il faut monter le hadith ila as-sihha ou ila al-husn wallahu a'lam. Cheikh Al-Albani fi Sunan Abi Dawud et d'autres livres, il a démontré hada. Donc le mieux c'est 13e, 14e et 15e jour. Kadhalik, c'est permis de les disperser. Hadith Aisha, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours par mois, la yubali. La yubali, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Ça c'est important. L'anna ba'd al-ikhwan, rubbama il a manqué le 13, 14, 15 et il pense que c'est fini. Là, vous avez remarqué que Hadith Abi Huraira, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité de date. قال رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث et il a cité صيام ثلاثة أيام من كل شهر, jeûner 3 jours. Donc jeûner 3 jours si tu peux le 13, 14, 15 c'est mieux. Si c'est pas le 13, 14, 15 fais-les après ou avant. Il y en a, ça arrive beaucoup que certains ils manquent le 13, 14, 15 par oubli, ça arrive beaucoup et après ils pensent que c'est fini. Là l'essentiel 3 jours par mois. Et tu peux même jeûner un jour la première semaine, un jour la deuxième, un jour la troisième, ou un jour au début, un jour deux jours après, même 3 jours par mois. Lakin al-afdal, celui qui peut, 3 jours par mois, et le 13, 14, 15. On essaye de finir à al-bab, c'est un bab, il est simple, il n'y a pas beaucoup de masail. Thumma, il a cité ما يتعلق بصوم يوم الجمعة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Donc ces hadith ils nous démontrent أن jeûner le jour du vendredi, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sauf si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Le jeudi et le vendredi, ou le vendredi et le samedi. Donc, les savants, ils sont unanimes que tu peux jeûner le vendredi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Amma, jeûner que le vendredi, fal ulama ikhtalafu. Certains, ils ont dit que c'était haram. D'autres, ils ont dit que c'était makro, et c'est l'avis de la plupart des savants. Et d'autres, ils ont dit que c'était permis. Al-Imam Malik, rahmatullah alayhi, il a clairement dit que c'était permis. قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة والصيام هو حسن. L'Imam Malik a dit, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que صوم الجمعة c'est pas permis. Ben au contraire, il a dit c'est bien. Lakin Daoudi, rahimahullah, min ashab Malik, un proche de l'imam Malik, قال لم يبلغ مالكا حديث النهي. L'imam Malik, il connaissait pas, il lui est pas parvenu plutôt hadith que c'est pas autorisé de jeûner le vendredi. قال ولم ولو بلغه لم يخالفه. C'est ça husn al-dhann bi ahl al-ilm. تستفيد من هذا ان العالم الامام il peut khalif dans une masala, pourquoi? لانه il a pas eu le hadith il lui est pas parvenu, il ne peut pas tout savoir le savant, surtout à l'époque de l'imam Malik les hadiths n'étaient pas encore rassemblés totalement, il n'y avait pas encore Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tous ces livres là. L'imam Malik il avait écrit le Muwatta, il y avait des autres livres, mais les hadiths Rasulullah ils n'étaient pas encore rassemblés comme de nos jours. Donc ça te montre l'alim, l'imam, l'imam fi sunnah, tu lui trouves des excuses. Lakin, est-ce que ça veut dire que tu prends son qawl matalan nahnu al-an كما يفعل بعض الناس سي سوا ديزون مالكي يتعصب يبرون تو است كو يجوز ان يدي لا الامام مالك قال سي اوتوريزي سي اوتوريزي الامام مالك لو ميم اي ديمونتر ان كل واحد يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول الان بلغنا الحديث است كو يجوز لو خالف لا يجوز اي ندير الامام مالك كما قال داوود سي سو حديث لو سيري بارفينو لا اوكان دوت كو الامام مالك il aurait pris le qawl, annahu, c'est clair. C'est pour ça que Malik lui-même, rahmatullah alayhi, قال لم اسمع احدا. J'ai jamais entendu. Il aurait entendu, surtout de la parole du prophète sallam, fa husn al-dhan bi hadha al-imam, annahu, il aurait la même fatwa que les autres savants. Donc, le fait que c'est permis, c'est un qawl ba'id. Baqiya, est-ce que c'est haram ou c'est makruh? Alladhi yadhhar c'est que c'est haram. لأن النهي يفيد التحريم. بل on a un autre hadith qui renforce هذا حديث جويرية رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة. النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré chez جويرية et vendredi, c'était le vendredi et elle faisait siyam. فقال لها أصمتي أمس؟ Il lui a demandé est-ce que tu as jeûné hier? قالت لا. قال أتصومين غدا؟ Est-ce que tu vas jeûner demain? فقالت لا. قال فأفطري. Il lui a dit mange. Ça montre que jeûner le vendredi seul, c'est pas permis. Et كذلك قوله فأفطري c'est un amr. Et الأصل في الأوامر c'est الوجوب. Donc الذي يظهر c'est que القول بالتحريم c'est الأقرب. C'est l'avis de l'imam al-San'ani fi Subul al-Salam, l'avis de l'imam al-Shawkani fi Rubbama fi Nail al-Awtar. Al-Sawab, c'est que Ifrad yom al-Jum'a bi-Sawm la yajouz. Baqiya, si c'est le vendredi, lakin ça tombe sur un jour où qu'il y a un fadl. Matalan, le jour de Arafat, ça tombe vendredi. Ou les trois jours. On a cité dans le hadith d'Abi Huraira, si on veut les faire le 13, 14, 15, ça tombe vendredi. Fi hadha al-hal, al-Imam Ahmad yaqul yasumu li'annahu lam yata'ammad ifrada. Ou lam yata'ammad ifrada, na'am. Fi hadha al-hal, c'est permis. Pourquoi? Léana, pourquoi cette personne elle jeûne? Elle jeûne parce que c'est Arafat, pas parce que c'est vendredi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Fi hadha al-hal, c'est permis. Kadhalik, Ibn al-Qayyim il a démontré. أنه سيسي يوم عرفة يصوم سيسي عاشورة يصوم etc. كذلك سيلافان ندر سيلافان ندر مثلا سي الله سبحانه وتعالى يغيري من enfant je fais un jour de siyam et ça tombe le vendredi فيجوز ده يجوز ده يصوم أما jeûner parce que c'est vendredi surtout celui qui pense qu'il y a un fadl هذا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك comment penser que c'est bien alors que النبي صلى الله عليه وسلم il a clairement dit il ne faut pas le faire. Bel, Jouairi, elle faisait le siyam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mange. Ça montre annahu, il ne faut pas le faire. Wallahu ta'ala a'lam. On lit les hadiths allati dhakaraha al-hafidh Abdul Ghani rahmatullah alayhi fi siyam yawm al-id. Qala an abi Ubayd, mawla ibn Azhar wa ismuhu Sa'd ibn Ubayd. Qala shahidtu al-id ma'a Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم أي premier jour de شوال après رمضان واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم أي عيد الأضحى في ذي الحجة donc ces deux jours النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام فيهما et le deuxième hadith عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن اشتمال الصماء وأن يشتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط نحن on expliquera on s'intéressera que ce qui est lié avec الصيام قال الإمام عبد البر رحمة الله عليه إلى أن نكلم في هذا قال والصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال فبالله c'est pour ça qu'on avait dit حتى les deux mois consécutifs pour le kafara celui qui les fait il les fait pas quand il y a l'Eid c'est-à-dire il commence pas le premier jour de Shawwal là il doit attendre et كذلك il les fait pas et ça tombe de l'Hijjah il y en a de l'Hijjah il y a l'Eid donc il s'arrange pour faire avant ou après et il fait deux mois consécutifs. فَلَا يَجُزْ عَلَى حَالِ مِنَ الْأَحْوَالِ t'as pas le droit de faire صيام يوم العيد, c'est haram. قَالَ لَا لِمُتَطَوِّعْ وَلَا لِنَذْرِ même le nadr. Celui qui a fait un nadr de jeûner le vendredi, c'est un nadr, il est haram. لَا يَجُزْ لَهُ قَالَ وَلَا لِقَضَى فَرْضًا كَذَلِكَ الْقَضَى celui qui a manqué un jour de Ramadan et il veut le rattraper le jour de l'Eid, مثلاً. Et il se dit, là, moi, c'est obligatoire pour moi. Là, Al-Qadha, on a dit, l'amr, il est wasi'. T'as jusqu'au Ramadan prochain, donc choisis un jour autre que l'Eid. Walillahi l'hamd, amal al-muslimin, l'an, ils font pas siyam yawm al-Eid. Alhamdulillah, jami' al-muslimin, yawm al-Eid, ils font pas as-siyam. قال ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصوم أن يصومهما وهو إجماع لا تنازع فيه. Donc c'est un إجماع بين أهل العلم que personne a le droit de jeûner يوم العيد, que ce soit عيد الفطر أو عيد الأضحى. كذلك ابن المنذر الإمام الطحاوي ابن قدامة الإمام النووي كثير من العلماء ils ont cité الإجماع et حديث عمر et حديث أبي سعيد. Ils sont clairs fi hadhihi al-mas'ala. Thumma il a conclu ce chapitre avec hadith Abi Sa'id qala an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Ça c'est un hadith général pour te montrer les bienfaits de jeûner fi sabilillah. Qala Ibn Daqiq al-'Id rahmatullah alayh al-'urf al-akthar fihi isti'maluhu fi al-jihad. بعض العلماء ils ont dit c'est من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله أي il est في الجهاد. قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف c'est l'année. 70 خريفا أي 70 ans. الخريف c'est une saison, لكن 70 saison c'est 70 ans. قال فإذا حمل عليه كانت الفضيلة الاجتماع لعبادتين. Si on dit que c'est pour le jihad, celui qui fait le siyam pendant le jihad, un jour, le fadl azim, il rassemble entre deux ibadas, le jihad et as-siyam. قال ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كان. Et كذلك, tu peux comprendre de ce hadith que c'est fi sabilillah et tu le fais sincèrement pour Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, celui qui fait le siyam, lillahi subhanahu wa ta'ala, il est ma'jour. Et تقدم معنا أن المجاهد في سبيل الله الراجح, c'est que même le fard peut le délaisser. لأن il a besoin de force etc. surtout si ça l'affaiblit. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق et qui nous facilite de faire des efforts في هذه العبادة العظيمة. Et le prochain باب inshallah يتعلق بليلة القدر ونعم نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.